Ensuite, l'Espagne s'est solidement arrimée au camp démocratique et européen, devenant même, avec sa fameuse Movida, un modèle de liberté, de jeunesse et d'idées neuves. La visiteta em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats? Si no podem desfensen, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada, deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar. Però Siset, fa molt temps ja, les mans se'm van escorxant, i quan la força se me'n va, ell és més ample i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que Siset pesa tant, que cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu cant. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada, deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la mort de Franco. Notre invité, Benoît Pélistrandi, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste de l'Espagne contemporaine. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages de référence sur le sujet, parmi lesquels Histoire de l'Espagne, des guerres napoléoniennes à nos jours, paru aux éditions Perrin en 2013. C'est votre dernier livre. Là, je crois que vous travaillez sur la Catalogne. C'est un livre qui s'appellerait Le Labyrinthe catalan, on peut le dire? Oui, on peut le dire. Il sortira en février 2019 et c'est une analyse de la crise catalane, à la fois dans sa courte durée, l'apport des Catalans à la construction de la démocratie en Espagne, et puis la signification de cette crise indépendantiste qui est très grave, et pour l'Espagne, et pour l'Europe, mais aussi pour la Catalogne. Il est trop tôt pour nous à faire sensible pour se pencher sur ce sujet qui est encore trop récent. On va laisser refroidir un peu, si j'ose dire, et puis on vous invitera pour parler de la Catalogne, parce que c'est vrai que c'est passionnant, que c'est un labyrinthe, c'est compliqué. Alors, on revient à nos moutons, si j'ose dire, avec Franco. Alors, sur le plan historique, on associe bien souvent la figure de Franco aux années 30-40, celle de la guerre civile en Espagne. On oublie souvent que le règne de Franco s'étend sur plus de 3 décennies. À la différence d'un Hitler ou d'un Mussolini, comment Franco a-t-il fait pour traverser le siècle avec un pays qui se retrouve comme un îlot, il y a le Portugal aussi, enfin, disons la péninsule ibérique, comme un îlot totalitaire dans un petit océan, on va dire, démocratique qu'est l'Europe? C'est l'énigme. Franco est vraiment l'homme des années 30, l'homme de la montée du fascisme. La guerre civile est la répétition de la grande guerre, de la Seconde Guerre mondiale, où on a vu effectivement les démocrates alliés aux communistes pour tenter de freiner le fascisme. Or, en Espagne, cette alliance, elle a été vaincue. Et je crois qu'une des raisons fondamentales pour lesquelles Franco continue de cristalliser une mémoire aussi négative, c'est qu'il est le seul fasciste qui n'a pas été vaincu. Hitler, lui, a été vaincu, Mussolini a été vaincu, ils sont morts de façon ignominieuse, tandis que Franco est mort en chef d'État et il est mort 40 ans après être monté au pouvoir. Mais était-il fasciste ? Alors, c'est la grande question. Vous avez tout à l'heure évoqué ce que dit Joseph Pérez, c'est un militaire conformiste. Son régime a été fasciste dans les années 30 parce qu'il y avait la force principale, c'était les phalangistes de José Antonio Primo de Rivera. Et il faut parler de cet homme qui ceux est qui le... ont combattu les républicains. Qui ont combattu les républicains, et c'est vraiment l'inventeur du fascisme espagnol, ceux qui disent qu'il faut le bras levé, et qui veulent donner tous les signes du pouvoir fasciste au nouveau pouvoir espagnol. À commencer par un état fort. Absolument. Or, José Antonio de Primo de Rivera est mort le 20 novembre 1936. Mmh. Et vous venez de rappeler que Franco est mort le 20 novembre 1975. Oui. En réalité, Franco est mort le 19 novembre. Et on a attendu oui, le 20 novembre pour qu'il y ait cette coïncidence, pour que tout d'un coup, on rappelle la guerre. C'est-à-dire que, de même que José Antonio Primo de Rivera, qui avait été fusillé par les Républicains le 20 novembre 1936 à Malaga, eh bien, Franco était le dernier mort de la guerre civile, soldat glorieux. On a entendu les quelques mots du président Arias Navarro, le chef du gouvernement espagnol, annonçant aux Espagnols la mort, et tout de suite, il renvoie au souvenir de la guerre civile. Ouais. Donc c'est très étonnant, parce que ce dictateur qui a duré 40 ans, toute sa légitimité, il la puise dans quelques cette années guerre et dans cette victoire. Et quelques années, finalement. Quelques années, 3 ans. 3 c'est ans rien de guerre. À, on a à 30 ans. 36 ans, 36 voilà, 36 ans de pouvoir absolu. Est-ce qu'il y a des accointances dans les années 70 avec le régime autoritaire voisin de Salazar au Portugal, oui. qui est différent de nature hein, alors, qui est différent, mais fondamentalement, la grande différence, je vous ai dit, le régime est fasciste jusqu'en 45, et Franco est très habile politiquement. Il a parfaitement compris qu'il faut arrêter d'être fasciste. Et en 1945, en avril 45, il y a un décret qui interdit le bras levé. C'est passé de mode dans l'Europe. Fondamentalement, en fait, Franco est un Espagnol, c'est un militaire, il est conformiste et il est catholique. Et la similitude avec le régime de Salazar, c'est l'idée d'un corporatisme catholique. Ce sont des hommes qui sont profondément anticommunistes, profondément antilibéraux aussi, et qui puisent dans la pensée catholique de la fin du XIXe siècle leur idéal politique. Les racines chrétiennes de l'Europe. Alors, c'est moins les racines chrétiennes de l'Europe que les racines chrétiennes de l'Espagne, ouais. que la croisade, le mouvement de la guerre civile contre les républicains s'appelle la croisade. Il est vrai que les républicains avaient un programme laïcisateur très fort et que les historiens sont maintenant d'accord pour dire que la violence avec laquelle il y a eu une lutte contre l'Église catholique a été sans doute une erreur politique. La guerre civile a été aussi une guerre religieuse. Il y a près de 7000 religieux et religieuses qui sont assassinés, certains dans des conditions absolument atroces. Et en contrepartie, les franquistes assassineront les maîtres d'école. Ouais. Donc il y a vraiment un parallélisme. Mais l'idée du coup, le croisade, renvoie aussi à cette Espagne qui était grande quand elle était catholique, quand elle était cette grande oui, puissance c'est du XVIe siècle. Isabelle et Ferdinand. Voilà, Isabelle et Ferdinand, les rois catholiques. Et Franco est un homme qui déteste le XIXe siècle espagnol et qui ne cesse en fait d'essayer d'exalter cette grandeur de l'Espagne lorsqu'elle était la première puissance du monde au XVIe siècle. Bien sûr, ne l'oublions pas. Le 1er octobre 1975, donc, Franco prononce son dernier discours en public sur le balcon du Palais Royal de Madrid. Il évoque l'un de ses thèmes récurrents, la haine en provenance de l'étranger, la nécessité pour le peuple espagnol de se rassembler. À la tribune, il apparaît vieilli et malade. Déjà, on va écouter une première archive ensemble. Et sur France Inter, l'écrivain Michel del Castillo revient sur cette dernière apparition en public de Franco. C'est une grande messe, presque de requiem. Et on tend le bras aussi, comme si on disait aussi au revoir une dernière fois. On sait qu'il est, c'est pas regarder simplement les images, mais c'est une pauvre momie qui est sur le balcon. Il tient de plus en plus avec des piqûres. La Parkinson s'est considérablement aggravée. Il tremble. Il est sénile. Et il y a, à un moment donné, une telle angoisse souterraine, si vous voulez. On ne savait pas bien comment se ferait ce qu'on appelait la transition, si vous voulez. Donc, c'est aussi un rituel. C'est la dernière fois où, vous savez, le slogan de Franco, ça avait été d'abord 10 ans de paix, puis 20 ans de paix, puis 30 ans de paix. Bon. Et puis, on arrivait au bout de cette paix-là. Et chacun se demandait, et après, comment ? Voilà, c'est ça, donc la mort de Franco, qui a dû réjouir comme certes beaucoup d'Espagnols, en a aussi beaucoup angoissé, juste la peur de l'avenir. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Il s'en va, qu'est-ce qu'on va devenir ? C'est étrange quand même. Parce que c'était un tabou, et en fait le franquisme est en crise depuis la fin des années 60, la crise économique des années 73-74 accentue, l'ETA commence ses attentats terroristes, c'est-à-dire que tout ce que le régime avait vendu, le miracle économique des années 60, la création l'élévation d'une classe moyenne, l'enrichissement des Espagnols, est en train de s'effriter. En 70, le général de Gaulle a voulu faire un voyage en Espagne. Il avait quitté le pouvoir, il a fait un voyage privé, ce qui a d'ailleurs beaucoup choqué André Malraux, son compagnon de politique. Et il a voulu voir Franco. Et à l'issue de l'entretien, il a dit vraiment à la vieillesse, quel naufrage. Mais, semble-t-il, Franco aurait dit la même chose de De Gaulle. Donc, deux vieillards qui avaient sur eux, parce qu'ils sont exactement contemporains, un regard un peu difficile. Donc, on avait vraiment de Franco cette image d'un régime qui était en train de s'épuiser. Mais c'était tabou, personne n'osait poser la question à Franco. Et après, il y a même une histoire qui a tout de suite circulé, parce que les Espagnols ont un sens de l'humour noir assez développé. Quand Franco est mort, on raconte que le premier conseil des ministres a lieu. Le chef du gouvernement dit à ses ministres, « Messieurs, le général Franco est mort. » Qui d'entre nous aura le courage de le lui annoncer? Et du coup, dans le débat politique, on parlait de ce qu'on appelait le fait biologique. Le fait biologique, c'est tout simplement la mort de Franco. Le fait biologique. Et pendant 5 ans, on était en train de réfléchir à ce qui allait se passer. Parce qu'il y avait une solution, qui était la solution institutionnelle que Franco avait choisie, la succession monarchique avec Juan Carlos, qui était non pas l'héritier de la couronne, parce que son père, le comte de Barcelone, qui était le fils d'Alphonse XIII, était encore vivant, et donc normalement la couronne aurait dû lui revenir. Mais Franco avait choisi Juan Carlos, et du coup, c'est très curieux, parce que cette réinstauration de la monarchie n'est ni une restauration, ni la continuation du franquisme. Alors, on va écouter justement, merci de nous apporter sur un plateau cette formidable transition. On va écouter notre archive, il s'agit du témoignage de l'un des anciens ministres de Franco, Laureano López Rodó, qui revient sur cette transition politique et le rôle clé de Juan Carlos. La transition politique espagnole a été une transition dans un cadre constitutionnel, il faut le souligner, pas une rupture. La légalité a été respectée. Il fallait éviter soit un coup d'État de fait, soit un bain de sang révolutionnaire. Sans la restauration de la monarchie et le roi, chef suprême de l'armée, aurait été impossible la transition politique. Alors, dans votre livre, vous expliquez que l'une des particularités, vous aussi, de cette transition démocratique, c'est d'avoir volontairement mis de côté toute la période franquiste, c'est-à-dire sans grande purge, ni grand procès. Les membres de l'ancien régime n'ont pas été inquiétés. Les Espagnols avaient déjà inventé ce que certains autres pays, je pense à l'Algérie, je pense à l'Afrique du Sud, cette notion de concorde nationale. Oui, et ça sera le grand mot qui sera lancé en réalité par l'archevêque de Madrid, le cardinal Tarancón, lors de la messe d'intronisation de Juan Carlos, le 27 novembre 1975. Cette homélie est tout à fait fondamentale parce que le régime de Franco était ce qu'on appelait un régime national catholique. Et l'Église était associée à ce régime, il n'y avait pas de séparation entre l'Église et l'État. Mais il y a eu le Concile Vatican II et l'Église s'est libéralisée. Et la fin du régime franquiste, l'Église a pris ses distances de façon très très nette. Et ce que dit le cardinal Tarancón, c'est que aucun parti politique ne peut se prétendre être et représenter l'Église, et que l'Église n'est d'aucun parti. Donc il opère vraiment une séparation, au moins de fait, mentale, et il dit par ailleurs que la seule chose qu'on doit rechercher quand on gouverne, c'est la concorde de tous les Espagnols. Ah voilà, nous y sommes. La concorde. C'est exactement le mot. Et Juan Carlos n'aura de cesse d'utiliser ce terme, si bien que la transition va être une opération extrêmement complexe, où vous avez d'abord à déminer l'appareil d'État franquiste. Et vous avez rappelé, si l'agonie de Franco a duré aussi longtemps, c'est qu'il y avait une lutte absolument considérable. Oui. Alors je passerai sur les détails, mais il y avait un point clé qui était la fin du mandat du président de l'Assemblée. Et si ce Franco mourait un peu plus tard, à ce moment-là, il fallait nommer un autre chef de cette Assemblée, et ce sera Juan Carlos de le faire. Et il pourra choisir un homme de confiance. L'Assemblée, les Cortés. Alors les Cortés, oui, qui sont en réalité une chambre d'enregistrement, mais, oui, mais qui sont, comme l'a dit, on l'a entendu dans l'archive, pseudo-constitutionnel, le ministre Laureano López Rodó le dit. Et toute l'idée de Juan Carlos, ça sera en fait de démanteler l'appareil franquiste depuis la législation franquiste. Et ce sera en fait le 18 novembre 1976, donc un an presque jour pour jour, le vote de la loi de réforme politique par lequel les Cortés franquistes se font harakiri. ils acceptent de se dissoudre et on aura très rapidement des élections libres qui auront lieu le 15 juin 1977. Et autre chose aussi qu'il faut voir, c'est que Juan Carlos efface tout de suite les souvenirs de Franco. Avec un détail, on ne sait pas où enterrer Franco. Et c'est Juan Carlos qui décide de le mettre dans la vallée de Los Caídos, cet énorme monument que Franco avait voulu construire, qui est une basilique souterraine avec une croix qui monte à 150 mètres de haut, où on a mis et des républicains et des franquistes enterrés. C'était l'idée d'en faire un lieu de concorde nationale, mais ce n'était pas du tout un lieu de réconciliation. Oui. Et je crois que Juan Carlos a renvoyé Franco à ce qu'il était, c'est-à-dire au souvenir de la guerre. Et en l'envoyant à la vallée de Los Caídos, on fermait un chapitre et on ouvrait un autre chapitre. Est-ce que, merci pour cette explication de la transition démocratique, est-ce que on a été surpris à l'époque, Franco est mort, le roi qui revient, Juan Carlos, est-ce qu'on a été surpris de cette transition démocratique, de la vitesse à laquelle elle s'est enclenchée? Oui, on a été surpris et elle a été rendue possible à la fois par l'extrême intelligence de tous les acteurs politiques. On dit suffisamment de mal aujourd'hui de la politique pour pouvoir dire quand même que parfois la politique ça marche. Mmh. Et toutes les forces d'opposition ont fait preuve de beaucoup de patience parce que les 6 premiers mois du règne de Juan Carlos, tout est paralysé et le gouvernement continue de réprimer. Il y a des incidents au Pays Basque, il y a des morts. Enfin, on est vraiment dans la grande incertitude. Donc, l'opposition a fait preuve d'extrême patience. Le régime a su s'ouvrir avec la nomination d'Adolfo Suárez comme chef du gouvernement en juillet 1976 et l'ouverture donc de cette transition. Le roi a joué un rôle absolument majeur parce qu'il a été l'homme des négociations. Et ne l'oublions pas, quand en 2012, Santiago Carrillo, le leader du Parti communiste espagnol, qui était un homme important au moment de la guerre civile, qui était le chef de l'appareil de sécurité du Parti communiste, meurt, Juan Carlos et sa femme vont s'incliner devant sa dépouille mortelle dans le domicile de Santiago Carrillo. Ça je crois que c'est une image qui dit vraiment tout ce qui s'est passé pendant cette transition. Et qui dit tout d'ailleurs. Dernière chose, cette année, le gouvernement espagnol a fait passer un décret pour exhumer la dépouille du général Franco de cette vallée de Los Caídos dont vous venez de nous parler et de faire de cet endroit monumental un sanctuaire en hommage à toutes les victimes de la guerre civile. Ça dit quelque chose aussi, ça. Oui, en même temps, c'est une erreur politique. On est en train de s'en rendre compte pour deux raisons. Parce que ça, rapidement, s'il nous reste 30 secondes. Oui, ça redonne au Valle de Los Caídos une actualité. Et il se trouve qu'en plus, la famille Franco n'est pas d'accord, mais elle possède une crypte dans la cathédrale de Madrid, à l'Almudena, et c'est là qu'elle va enterrer Franco. Franco était à 50 km de Madrid, il va revenir le centre de Madrid, à 150 mètres du Palais Royal, là où on l'a vu pour la dernière fois vivant, le 1er octobre 1975. Donc étonnante ironie. La fausse bonne idée, en même temps. La très fausse bonne idée. Merci infiniment, Benoît Bellis-Trandi, pour votre connaissance de l'histoire de l'Espagne. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la mort de Franco, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission, livres, références et vos commentaires, si le cœur vous en dit.